savant britannique qui travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge. Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés. La République va apporter la plus forte des réponses au terrorisme. La fermeté implacable. Dans le respect de ce que nous sommes, un État de droit. Mais je le dis aussi avec la même force, jamais des mesures d'exception qui dérogeraient aux principes du droit et des valeurs. Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage. Les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions. Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. La France, confrontée à la menace du terrorisme qui s'est incarnée de façon si dramatique en 2015, la France se retrouve devant une interrogation touchant à l'essence même de la démocratie. Où convient-il de fixer le curseur entre d'un côté les exigences accrues de la sécurité collective et d'autre part la préservation des libertés publiques qui sont au cœur du contrat social depuis 1789. Chacun ressent qu'à trop empiéter sur ses libertés dans le péril que nous affrontons, notre République risquerait de perdre quelque chose de sa fierté, de ses équilibres et en somme, de sa raison d'être. En quête de précédent, on pourrait évoquer le temps de la Convention de 1793-1794, tout autant que celui de la guerre d'Algérie. Ce matin, j'ai choisi de braquer l'attention sur le moment des attentats anarchistes sous la Troisième République, dans les années 1890. Pour montrer, je le souhaite, qu'aussi différente qu'ait pu être par rapport à notre actualité les menaces ambiantes, les débats qui ont agité le monde politique et celui des intellectuels, on y rencontre bien des traits qui annoncent ceux d'aujourd'hui dans l'ordre du réalisme, de la morale et du civisme. Jean Garrigue, qui s'apprête à être mon interlocuteur, est professeur à l'Université d'Orléans et il est président du comité d'histoire parlementaire et politique. Il est un familier de la période qu'il s'agit de restituer et il a manifesté de longue main son goût de distinguer dans le cours de notre histoire politique le spécifique et les résurgences. Dans cette guerre sans pitié que nous avons déclarée à la bourgeoisie, nous ne demandons aucune pitié. Nous donnons la mort, nous savons la subir. Aussi, c'est avec indifférence que j'attends votre verdict. Je sais que ma tête n'est pas la dernière que vous couperez. D'autres tomberont encore, car les meurs de faim commencent à connaître le chemin de vos cafés et de vos grands restaurants. Mais ce que vous ne pourrez jamais détruire, c'est l'anarchie, car elle est née au sein d'une société pourrie qui se disloque. Elle finira par vous vaincre et par vous tuer. Jean Garrigue, bonjour. Bonjour. Nous avons entendu un propos d'Émile Henry, qui était un des plus notoires, nous en parlerons, des anarchistes des années 1890, une lecture d'Henri Poirier dans l'émission « Frissons fin de siècle » de Jean-Pierre Rioux, le 7 août 1990 sur France Culture. On touche déjà là d'emblée au cœur de la doctrine anarchiste. Émile Henry est au cœur d'une succession d'attentats qui ont lieu dans les années 1890. Ça a commencé avec Ravachol, ça se terminera avec l'assassinat du président de la République en 1894. Sadi Carnot. Autour d'une idée qu'on a appelée, 10 ans plus tôt déjà, la propagande par le fait, qui est un mode de communication, j'allais dire, de ce monde de l'anarchie qui, à l'époque et depuis une vingtaine d'années déjà, est un monde très important, qui est un courant très important du mouvement social en France, en Italie, en Russie, enfin un peu partout en Europe. Il y a quelque chose vraiment de très très fort là qui se dessine, une révolte contre la société de l'époque. Donc un sentiment de peur, d'effroi dans la société bourgeoise de l'époque, et plus largement dans la France de ces années 90? Oui, la France de 1890 a peur. Elle a peur parce que ces anarchistes sont engagés dans une spirale de violence. Elle a peur parce qu'elle est fondée sur des valeurs qui sont celles d'une bourgeoisie qui a instauré, au fond, une démocratie libérale, celle de la Troisième République. Et on a peur que tout ça soit ébranlé parce que on se souvient de la Commune de Paris en 1871, on se souvient avant de 1848, juin 1848. Il y a toute cette mémoire aussi dans cette société des années 1890. Et dans le même temps, il faut rappeler que c'est le moment de la seconde révolution industrielle. C'est-à-dire qu'il y a un regroupement dans les villes des ouvriers, il y a une mise en cause partielle déjà de l'équilibre entre la campagne et la ville, et que sans cette prolifération du monde ouvrier, on n'imaginerait guère ces révoltes marginales, certes, mais puissantes. Et puis d'autre part, il y a bien sûr l'invention d'un certain nombre, ça c'est très très concret, d'explosifs, la fameuse dynamite, qui permet d'accomplir des attentats qui auraient été difficiles auparavant. L'attentat contre Bonaparte, depuis peu premier consul, rue Saint-Nicaise, était fait à partir d'une carriole pleine d'explosifs assez frustes à l'époque. Maintenant, on en a inventé d'autres. Et d'ailleurs, la plupart des journaux anarchistes de l'époque, dès les années 1880, consacrent des rubriques aux techniques de fabrication d'explosifs. On a, dans le Révolté, la Révolte, l'En Dehors, enfin tout c'est le Perpénat, on a des rubriques spéciales où l'on explique comment fabriquer et où la dynamite joue évidemment un rôle très important. Quelquefois, c'est quand même beaucoup plus amateur, beaucoup plus frustre. Hein. La bombe à clous qui explose dans l'hémicycle, celle de Vaillant en décembre 1893, c'était pas non plus quelque chose de très évolué. Mais enfin, il y a quand même cette invention de la dynamite là qui accélère ce processus de violence, on pourrait dire de masse. C'est une invention de Alfred Nobel, qui est celui qui fait une grande fortune à partir de cette invention. Et la dynamite, dans l'esprit des contemporains, devient directement liée aux attentats anarchistes, comme en témoigne une chanson que je vais vous faire entendre, qui s'appelle « La dynamite » de Marteneau, chanson qui est écrite en 1893 et qui est ici interprétée par les Quatre Barbus à la fin des années 1960. Il est un produit merveilleux, expérimenté par la science, et qui pour nous les miséreux fera naître la dépendance. Tant mieux s'il éclate parfois en faisant beaucoup de victimes chez nos ennemis les bourgeois. Cela nous venge de leur crime. Bourrée de dynamite, quelle que soit la maison, en faisant explosion, oh, comme elle ira vite. Pour inspirer la terreur, il n'y a rien de meilleur que la dynamite. On guillotinera Vachon, un copain qui avait de l'envergure. Aujourd'hui c'est un Espagnol qu'on fusille pour son allure. Palace montrera à son tour qu'il était un homme invincible. En plus il promettait qu'un jour la vengeance serait terrible. La dynamite, puisque l'on nous irrite, à chaque exécution, nous mettrons en action notre arme favorite. Car pour semer la terreur, il n'y a rien de meilleur que la dynamite. Vous pouvez dresser l'échafaud, la potence et la guillotine. Nous avons ce qu'il nous faut pour vous faire sauter en sourire. Si vous croyez que ça finira, vous êtes loin de votre affaire. Pour un homme qu'on nous tuera, nous en foutrons 500 par terre. Vive la dynamite. Si vous croyez que ça finira, n'est-ce pas, Jean Garrigue, il y a l'idée de que l'événement lui-même crée sa répétition. Exactement, oui, de façon, de façon circulaire. Oui, ça, ça a été une caractéristique, c'est que, et c'était le but de la propagande par le fait, c'est faire parler et une spirale comme ça d'attentats, on venge celui qui est tombé et ça permet de refaire parler de la cause et on voit très bien la spirale, on est parti de Ravachol en 1892, puis Vaillant en 93, puis Émile Henry début 94 et puis Caserio, là il y a eu vraiment un enchaînement d'attentats. En somme, ce phénomène circulaire se définit parce qu'on commence par punir des juges qui ont condamné des anarchistes, ensuite des citoyens qui les ont dénoncés. Les premiers actes de Ravachol sont dirigés en direction de magistrats qui se sont montrés très sévères. Exactement. À la suite d'une manifestation du 1er mai 1891, on avait de manière abusive arrêté des manifestants, condamné ces manifestants et Ravachol qui lui avait commencé une carrière finalement de petit délinquant, on dirait aujourd'hui, ce qui d'ailleurs est assez proche d'un certain nombre des djihadistes de 2015, eh bien, entre comme ça dans un combat beaucoup plus politique, justement pour venger ceux qui ont été victimes de l'injustice politique. Il fait sauter un immeuble boulevard Saint-Germain, quelque part entre l'Odéon et Mabillon, parce que le juge avait été très sévère. Exactement, et il y a un attentat aussi au boulevard de Clichy. Sont visés les symboles de cette répression d'État qui s'en prend aux anarchistes. À vrai dire, ça a commencé quand même avant, dès le début des années 80, notamment à la suite d'un grand congrès anarchiste qui a eu lieu à Londres en juillet 1881. On a commencé à voir des menaces, alors notamment il y a un jeune homme, parce qu'ils sont tous très très jeunes, ils ont tous une vingtaine d'années, qui s'appelait Florion, Émile Florion, qui envisageait d'assassiner Léon Gambetta, alors président de la Chambre des députés, et qui finalement, comme il n'arrivait pas à trouver Gambetta, finalement s'est reporté sur un pauvre médecin, d'ailleurs allemand, qu'il a croisé dans une rue de Paris. Il l'a vu avec une décoration à la boutonnière et il a essayé de le tuer. Son coup a manqué, il a essayé de se suicider, enfin bref, et il a écopé de 20 ans de travaux forcés. Donc ça a commencé dès le début des années 1880, parce que c'est là qu'on a commencé à parler d'actes terroristes, d'actes propagande par le fait. Vous avez raison de citer le Congrès international de 1881, parce que dès ce moment-là, on évoque la nécessité de cette propagande par le fait et l'avantage des progrès scientifiques pour permettre que ces attentats soient efficaces. Je lis « L'heure est venue de passer de la période d'affirmation à la période d'action et de joindre à la propagande verbale et écrite dont l'inefficacité est démontrée, la propagande par le fait et l'action insurrectionnelle. Et ceci encore, pour porter notre action sur le terrain de l'illégalité, qui est la seule voie menant à la révolution, il est nécessaire d'avoir des moyens qui soient en conformité avec ce but. Les sciences techniques, écoutez bien, les sciences techniques et chimiques, ayant déjà rendu des services à la cause révolutionnaire et étant appelées à en rendre encore de plus grands à l'avenir, le Congrès recommande aux organisations et individus faisant partie de l'Association internationale des travailleurs de donner un grand poids à l'étude et aux applications de ces sciences comme moyen d'attaque et de défense. » On ne peut pas ne pas évoquer les informations qui circulent aujourd'hui sur Internet. Et ça, c'est le rôle que jouent, j'en parlais tout à l'heure, les journaux anarchistes, Le Révolté, La Révolte, Le Père Pénard et les autres, avec des intellectuels. Et ça qui est intéressant dans ce congrès, ce sont des intellectuels qui encouragent à la révolte violente, à la propagande par le fait, Kropotkin, Paul Brousse, futur possibiliste, Louise Michel. Louise Michel est favorable justement à cette action L'ancienne violente. L'ancienne communarde qui a été déportée en Nouvelle-Calédonie et qui est revenue depuis... Alors que les premiers anarchistes français, je pense à Proudhon ou à Bakounine, français d'adoption, n'étaient pas des gens de violence. Il y a vraiment un tournant dans les années 1880 parce qu'on a l'impression, les anarchistes ont l'impression que leurs idées n'aboutissent pas. Ce sont des idées déjà anciennes. Ça fait déjà 30 ans qu'on parle de l'anarchie, de l'autogestion, du fédéralisme. Ça n'aboutit pas. Alors on se lance dans cette nouvelle stratégie. Et alors cette stratégie, elle va toucher, elle va particulièrement convaincre des gens qui, eux, ne sont pas des intellectuels, qui sont des déclassés, qui sont très très jeunes, qui sont en général des hommes d'ailleurs, pas toujours, mais en général, qui viennent de milieux très défavorisés. On le voit bien quand on regarde les profils de ceux qui ont accompli ces actes-là, que ça soit d'abord Ravachol, qui s'appelait en fait François Königstein. Königstein est un type qui vient d'une famille très très pauvre. Le père a très très vite abandonné ses enfants. Lui exerçait des tas de petits métiers, mineur, teinturier, chaudronnier, avec des fortunes inégales dans tous ces métiers. Et c'est un déclassé, un autodidacte, mais qui va rencontrer, comme c'était très souvent le cas dans la trajectoire de ces jeunes hommes en révolte, qui va rencontrer des intellectuels, des cercles. Lui a adhéré à un cercle d'études sociales qu'il a connu à Paris. Et c'est là qu'on va leur donner une formation, je dirais, politique. Ce ne sont pas des ignorants en politique. Est-ce que ne s'impose pas, là comme ailleurs, un parallèle avec nos djihadistes d'aujourd'hui, y compris la tentation ou l'acceptation du suicide, puisque beaucoup de ces anarchistes savent très bien qu'ils vont être pris et probablement guillotinés. C'est le cas de Ravachol, c'est le cas d'Auguste Vaillant que vous évoquiez tout à l'heure et qui a lancé une bombe pleine de clous dans l'hémicycle du Palais Bourbon. C'est l'époque où le président, d'ailleurs Charles Dupuis, a été rendu fameux par sa formule pleine de sang-froid. La séance continue, messieurs. La séance continue, oui. D'ailleurs, Charles Dupuis est un peu l'incarnation, à leurs yeux, de cette république bourgeoise et honnie. Mais vous avez tout à fait raison, le parallèle s'impose. On a, de la même manière que les djihadistes aujourd'hui sont des gens qui n'ont pas été intégrés à notre vivre-ensemble républicain, puisque c'est comme ça qu'on dit aujourd'hui, on a le sentiment que ce sont des hommes qui n'ont jamais pu trouver leur place dans la société de l'époque, qu'une société est d'ailleurs autrement plus dure que la nôtre, et où les tensions sociales sont autrement plus fortes, et que ils n'attendent qu'une chose, c'est une cause, de la même manière que les djihadistes ont trouvé la leur, ont trouvé l'islam, eux, eh bien, ils trouvent l'anarchie, et ils se marient, ils épousent l'anarchie, et ils pensent que le sacrifice de leur vie, à travers cet acte qu'ils savent mortel, va les sanctifier, et quelque part leur donner une posture de martyr. Et tous sont persuadés de cette idée-là. Ce qui n'empêche qu'ils ont souvent des inspirateurs. Alors ils ont effectivement des inspirateurs. Ils ont d'abord des trajectoires, je l'ai dit tout à l'heure, qui souvent flirtent avec la délinquance. C'était le cas de Ravachol, mais de bien d'autres ensuite. Le fameux Jules Bonneau, une vingtaine d'années plus tard. La bande à Bonneau. Et puis, ils rencontrent des intellectuels, des gens qui vont les diriger, soit parce qu'ils lisent les journaux, parce qu'ils lisent les ouvrages de Sébastien Faure, de Jean Grave, qui sont les grands théoriciens de l'époque. Élisée Reclus, le fameux géographe. Voilà, Élisée Reclus. Alors qu'il y a aujourd'hui, on peut le signaler, une avenue très, très chic, très, très bourgeoise, qui jouxte le Champ de Mars, qui s'appelle l'avenue Élisée Reclus. Comme quoi, les destins posthumes sont parfois étranges. Oui, on oublie qu'Élisée Reclus a fait partie de ces anarchistes qui ont été mis en procès, on y reviendra sans doute, au mois d'août 1894. On lit les journaux, on lit les ouvrages de ces pères de l'anarchie, on les intègre tant bien que mal, mais ce qui compte surtout, c'est le geste, c'est le sacrifice, c'est ce qu'on dit, on dirait aujourd'hui le buzz. Et en cela, là aussi, on est très très proche de la démarche des djihadistes d'aujourd'hui. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux ont remplacé les journaux de l'époque ou les cercles militants de l'époque. L'islam a remplacé la cause anarchiste, mais la démarche est très proche. Parmi ces soldats perdus de la cause anarchiste, de temps en temps émerge un personnage mieux formé qui joue un rôle d'influence tout en se mêlant lui-même des attentats. Je pense au cas très intéressant d'Émile Henry. C'est un homme qui, au contraire des autres, a été formé, qui s'est présenté à l'école polytechnique et qui, après que Vaillant, celui qui a jeté la bombe dans l'hémicycle, en blessant un certain nombre de parlementaires d'ailleurs, a été guillotiné pour le venger, va faire sauter le café Terminus près de la gare Saint-Lazare. Dès ce moment-là, on commence de s'en prendre aux lieux de rencontre, au café, aux brasseries, etc., ce qui nous est malheureusement encore familier. Oui, on dirait que c'est un attentat aveugle, celui d'Émile Henry, qui effectivement, à la différence d'un Ravachol ou même d'Auguste Vaillant, bon, est quelqu'un de très très jeune, mais qui a une démarche intellectuelle. Il le dit qu'il s'est converti assez récemment, ben d'ailleurs il est tout jeune, il a 22 ans, et s'est récemment converti à l'anarchie, mais on va voir au cours de son procès qu'il a une véritable démarche intellectuelle. Il justifie ses actes par une déclaration, j'allais dire circonstanciée, qui est une véritable déclaration de guerre à la société bourgeoise, qu'auraient pu écrire les théoriciens de l'anarchie. Donc là, on est vraiment dans quelque chose de structuré, qui pourrait d'ailleurs là aussi s'apparenter à certains discours de nos actuels djihadistes, parmi lesquels on trouve des gens plus ou moins bien formé. En tout cas, avec Émile Henry, on a vraiment une condamnation, je le répète, de la société bourgeoise. Je ne sais pas si c'est Henry qui a signé le texte que vous allez entendre, Jean Garrigue. Il aurait pu le faire. C'est un placard qui a été collé sur les murs de Paris en 1892, en plein cœur de ces attentats anarchistes dont nous parlons ce matin. C'est une lecture d'Henri Poirier, le 7 août 1990, sur France Culture. On n'en tuera jamais assez. On n'en tuera jamais assez, disait un général versaillais commandant les massacres de 1871 sur les Parisiens vaincus. Dupuis, comme tout bon bourgeois, avait la même pensée en dirigeant les assommades de la semaine dernière. Ces honnêtes et modérés sont féroces lorsqu'ils voient leurs privilèges menacés. On ne tuera jamais assez, dites-vous. Eh bien, soit. Tant mieux. Que la situation soit bien tranchée, que le travailleur comprenne enfin à qui il a affaire. La férocité de la classe dirigeante a tué chez nous la pitié et la sensiblerie. Nous nous rappelons ce qu'a coûté de sang le règne du capital et à notre tour, disons, nous n'en tuerons jamais assez. N'écoutons pas ces fumistes élus qui viennent prêcher le calme lorsqu'on nous assomme, c'est-à-dire de mettre les mains dans nos poches afin que la police puisse nous frapper à son aise. À la force, répondons par la force. Ces scélérats osent encore nous parler de la fête. Croient-ils que nous avons le cœur à danser sur les cadavres des nôtres? Ils voudraient bien voir la plèbe s'étourdir pour oublier sa misère et son esclavage. Mais il n'en sera pas ainsi. Non seulement nous ne pavoiserons pas, mais nous arracherons tout le décor officiel. Nous ne ferons de fête que le jour de la révolution sociale, où enfin heureux et libre, on dansera sur les ruines fumantes de la société socialiste et gouvernante. Alors, en anarchie, ce sera la fête du bonheur. On remarque que ce placard anarchiste, Jean Garrigue, assimile le socialisme à l'ensemble de la société bourgeoise, ce qui est assez familier aujourd'hui encore, quand on se penche sur les doctrines, si on peut dire, des djihadistes. Il faut bien voir qu'une césure profonde s'est produite au sein du mouvement social, au sein du mouvement ouvrier français, y compris d'ailleurs au sein de l'Association internationale du travail, celle qui a été créée en 1864. Au bout de quelques années, à partir de 1872 pour être précis, il y a eu vraiment une cassure et tout ce qui relevait d'un modèle, j'allais dire imposé d'en haut, était insupportable pour ceux qui prônaient une société libertaire. Ces anarchistes-là. Leur critique englobe aussi bien d'ailleurs la République bourgeoise, celle qui tient les commandes, ceux qui gouvernent, que précisément les marxistes, ceux qui vont vers une société collectiviste, mais articulée par l'État. C'est tout ce que refusent les anarchistes. Ils rejettent en bloc finalement tout ce qui n'est pas leur idéal. Alors, je voudrais maintenant que nous en venions à considérer la manière dont la France, ses gouvernants, l'ensemble du personnel politique, l'opinion publique, ont réagi à cette menace très directe du terrorisme. Avec cette question que j'évoquais en commençant, savoir jusqu'où on doit aller dans le sacrifice éventuel d'une partie des libertés publiques pour protéger mieux la société. Et pour un écho, pour un rebond, à quoi je suis sûr que vous serez sensible, un extrait du discours de Manuel Valls devant l'Assemblée nationale le 13 janvier 2015, quelques jours après les attentats de janvier. Avec détermination, avec sang-froid, la République va apporter la plus forte des réponses au terrorisme. La fermeté implacable dans le respect de ce que nous sommes, un État de droit. Le gouvernement vient devant vous avec la volonté d'écouter et d'examiner toutes les réponses possibles, techniques, réglementaires, législatives, à une situation exceptionnelle, doivent répondre des mesures exceptionnelles. Mais je le dis aussi avec la même force, jamais des mesures d'exception qui dérogeraient aux principes du droit et des valeurs. La meilleure des réponses au terrorisme qui veut précisément briser ce que nous sommes, c'est-à-dire une grande démocratie, c'est le droit, c'est la démocratie, c'est la liberté et c'est le peuple français. La problématique est exactement celle face à laquelle s'est trouvé le personnel politique, se sont trouvés les dirigeants de la Troisième République après les attentats ou pendant les attentats anarchistes des années 1890, Jean Garrigue. J'allais dire, c'est un discours qu'aurait pu tenir un des présidents du Conseil de l'époque, que ça soit Charles Dupuis ou Jean-Casimir Perrier, qui ensuite a été président de la République. Il l'a tenu, Jean-Casimir Perrier. Écoutez, vous allez voir à quel point il y a similitude entre Manuel Valls et son prédécesseur, désormais un peu oublié, même s'il a été très brièvement président de la République. Jean-Casimir Perrier disait le 11 décembre 1893... « Je me donnerai tout entier au service des deux causes qui aujourd'hui sont plus inséparables que jamais, la cause de l'ordre et celle des libertés publiques. Nous pensons qu'il faut être à même d'entraver la préparation matérielle du crime et par conséquent avoir la possibilité d'atteindre ceux qui, clandestinement et sans motif légitime, préparent ou détiennent des engins explosifs. » Et il ajoute « Rien dans ces projets n'est une atteinte à la liberté des citoyens, à la liberté de ceux qui méritent ce titre. Nous avons la résolution de poursuivre seulement ceux qui se placent eux-mêmes hors de la société. » On est là au cœur de la question parce que très vite, un certain nombre d'opposants, la majorité en place, notamment à gauche, ont estimé qu'ils risquaient d'être enveloppés dans cette répression. Extraordinaire continuité, parce que les trois lois, il faut peut-être en parler maintenant, c'est-à-dire les deux premières lois de décembre 1893 qui suivent l'attentat de Vaillant à la Chambre des députés et puis celle de juillet 1894, elle qui suit en revanche l'assassinat du président de la République Sadi Carnot, sont des lois qui, évidemment, non seulement menacent et s'en prennent à l'organisation aux associations qui forment le cœur de la propagande par le fait, qui sont donc anarchistes, mais qui aussi peuvent atteindre la presse, les organisations, les comités du mouvement social et des socialistes. Et c'est là que le problème se fait. Le débat sur la presse est très important, alors que nous observons que la loi de 1955 sur l'état d'urgence s'est vue purgée de ce qui impliquait la presse. Désormais, on ne peut plus faire subir à la presse, comme ça a été le cas au temps de Guy Mollet, vers 1956-57. On ne peut plus opérer des saisies ou empêcher de paraître, etc. À l'époque, on voit remettre en cause la loi de 1881, de juillet 1881, qui avait instauré un régime extrêmement libéral pour la presse, le plus libéral de l'Europe continentale à l'époque. Et le débat est évidemment passionnant. Parce que ça évoque en particulier la question de l'intention et de la provocation. Est-ce qu'écrire un article qui évoque des actions anarchistes qui surviennent ensuite, est-ce que celui qui a écrit cet article est coupable ou non ? Oui, c'est ce qu'incrimine la première loi, la toute première loi qui suit l'attentat de Vaillant. 12 décembre 1993. Exactement, parce qu'elle porte sur l'apologie. Faire de l'apologie est considéré comme une provocation. Et ça, évidemment, c'est une entorse, une entrave à la liberté de presse. Est-ce qu'un homme comme Clémenceau, qui plus tard, on le sait, va critiquer, et il a toujours fait d'ailleurs, les gouvernements, les politiques qui étaient menées, incitait-il à la révolte sociale? Donc on voit bien que les socialistes, tous les journaux socialistes de l'époque, sont aussi dans une critique très forte de ce qui est fait. Et pour cause, ils n'incitent pas à l'attentat anarchiste. Donc évidemment, là, il y a une entorse à cette loi de 80, et je parle de Clémenceau puisque on sait bien qu'il avait un rôle très important dans l'amélioration de cette loi en 1881. Le débat tourne autour de la question de savoir si, en cas de provocation à des actions de fait, si ces actions n'ont pas lieu, est-ce qu'on est néanmoins coupable? Et si elles ont lieu, quel lien peut-on faire entre l'article éventuellement considéré ou incriminé et ce qui s'est passé? Oui, c'est une question d'interprétation, et c'est là que on sort du droit pour être véritablement dans une arme politique. De la même manière, l'autre loi de décembre, celle qui suit de deux ou trois jours du 18 décembre 1893, vise les associations de malfaiteurs. Et là, comment dire si un groupe d'études, un groupe social qui se réunit dans telle ou telle ville où on parle politique, où l'on critique la société bourgeoise, le gouvernement, comment dire si là, on est en train de préparer véritablement un attentat, si l'on est une menace contre la République? Évidemment, là aussi, c'est quand même sujet à interprétation. C'est la notion d'entente qui est très ambivalente, autour de laquelle on tourne dans ces débats, et beaucoup de voix s'élèvent, en particulier à gauche ou à l'extrême gauche, dans l'hémicycle, pour dire « prenez garde ». C'est un député du Vaucluse, Joseph Pourquery de Boisserin, rendant lui hommage, qui s'écrit « Les mots provocation, apologie sont larges et vagues. Seuls les parquets seront appelés à apprécier s'il faut ou non poursuivre. La poursuite, c'est l'arrestation, la saisie préventive. Combien de temps durera cette prévention? Ce que le procureur, le juge d'instruction voudront, c'est inadmissible. » Camille Pelletan, un autre député, un grand ami de Clémenceau, déclare « Nous avons vu dans ce pays beaucoup de lois de circonstances votées à la faveur du mouvement d'horreur produit par des crimes, mais qui dépassaient la mesure et que ceux-mêmes qui les avaient votées regrettaient. » Débat évidemment de notre actualité. Débat tout à fait d'actualité, qui s'est doublé d'ailleurs d'une véritable politique répressive. Ça a commencé véritablement début 1893, sous l'impulsion notamment de Charles Dupuy. Par exemple, la chasse aux sorcières se traduit par quelque chose comme 426 associations qui sont démantelées par la police républicaine, et puis par l'interdiction de toute une série de... Enfin, la plupart des grands journaux anarchistes sont interdits. Le Père Pénard d'Émile Pouget, le Révolté de Jean Grave, qui étaient vraiment des icônes de la mouvance anarchiste, qui sont interdits, avant même d'ailleurs que certaines des lois soient votées. Mais alors, c'est vrai que le point d'orgue, c'est cette loi du 28 juillet 1894, sur la liberté de la presse notamment, qui suit évidemment l'assassinat de Sadi Carnot le 24 juin 1894. À Lyon, le président de la République. Le président de la République. Alors évidemment, ça provoque une émotion extrême dans la classe politique et dans l'opinion. On a là une loi qui pour la première fois d'ailleurs désigne l'anarchie comme adversaire, mais qui va la faire couler beaucoup d'encre, et on va voir monter au créneau la plupart des grands leaders de la gauche, qu'elles soient socialistes avec Jaurès, radicales avec Clémenceau, qui sont hostiles à cette loi. On voit apparaître l'expression d'incitation au crime, qui est une expression neuve. Et en même temps, à gauche, un certain nombre de gens disent pour l'instant, le régime actuel permet de penser qu'il ne sera pas inquiétant de faire des textes comme celui-ci, mais si à un moment donné, il y avait un retour de la réaction catholique, anti-républicaine ou un éventuel surgissement de je ne sais quel dictateur. Voilà. On est peu de temps après le boulangisme, que exactement. Vous connaissez bien, Jean-Garic. Vous avez beaucoup écrit sur ce moment inquiétant de notre histoire, au moment où on a vu la possibilité d'une dictature surgir. En ce cas-là, dit-on à gauche, quelle arme nous donnerons à ces gouvernements potentiellement inquiétants pour la liberté? C'est une génération qui est hantée par le spectre du césarisme et par ce qui n'est pas si loin à l'époque, c'est Napoléon III, comme aujourd'hui. On peut aussi se souvenir de, et ça a été évoqué d'ailleurs par Cécile Duflot, qui avait parlé du régime de Vichy. On pourrait aussi parler des conditions d'arrivée au pouvoir du général de Gaulle. François Mitterrand parlait du complot permanent. Enfin, ça c'était Mitterrand. Mais enfin, on n'entre pas dans ce débat. Certains en parlaient aussi, n'en faisant pas mystère, d'une éventuelle accession au pouvoir du Front National. Exactement. Et au fond, quand on observe là aussi, ce serait une autre concordance des temps, les liens historiques qui rattachent le Front National d'aujourd'hui avec le boulangisme des années 1880, mais on comprend que les réactions soient similaires. On comprend que des hommes comme Jaurès aient multiplié les articles, les avertissements à la Chambre des députés contre ce qu'il appelait une loi des suspects, qui rappelait les plus terribles heures de la République. De la terreur, vous en dites. De la terreur de 1794. La police, du même coup, est incité, et c'est son rôle aussi social, à être plus efficace encore. Mais du coup, la question se pose dans ces années-là de savoir jusqu'où on peut lui laisser la bride sur le cou, jusqu'où on peut la laisser accumuler sans que les citoyens les connaissent, des fiches, des informations. L'un des acteurs tonitruants de l'anarchisme à l'époque, qui s'appelait Zo Daxa, en fait, c'était Alphonse Galland de la Pérouse. Vous voyez que le recrutement s'est élargi. Puis Ravachol, créateur du journal anarchiste L'En Dehors, explique à quel point on l'a, de toutes sortes de façons, mesuré, pas seulement son crâne. Que ne m'a-t-on pas mesuré ? Des appareils et des compas permettent à ces spécialistes de toiser les gens à leur valeur. La largeur de ma boîte crânienne est connue à 1 mm près. On sait ma hauteur debout, ma hauteur assis, la petitesse de mon oreille droite et la longueur de mon pied gauche. Et bien d'autres choses encore. Pas de tatouage ? Les détails s'inscrivent sur une fiche. La fiche va dans un casier. Avec la photographie, tout à l'heure, ce sera complet. France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeanneney. Ce texte de Zo Daxa, donc un personnage important de l'anarchisme dans ces années-là, est lu par Denis Lavant dans l'émission Surpris par la nuit, la fameuse émission d'Alain Weinstein sur France Culture, le 18 janvier 2001. Vous me disiez en écoutant cette archive qu'on pouvait évoquer, Jean Garrigue, les fiches S. Eh oui, là aussi, le parallèle saute aux yeux, si j'ose dire. Le carnet B, ensuite, de la guerre 14-18. Qu'est-ce que c'est que le carnet B, rappelez-le? Le carnet B, c'était cette liste de milliers de suspects qui pouvaient être utilisés, finalement, il ne l'a pas fait, par le ministre de l'Intérieur pendant la Grande Guerre, pour mettre en prison les antivirus. Mettre en prison, voilà, ceux qui pouvaient menacer la sécurité de l'État, en fait. Bon, et l'Union sacrée et l'antimilitarisme, qui était potentiellement antimilitariste. Exactement, oui. Mais l'antimilitarisme ne signifie pas forcément que l'on va s'opposer aux intérêts de l'État. De la même manière, là, ces fiches qui commencent à être faites, on est en pleine époque de la police scientifique. Bertillon, les fiches signalétiques, les mesures, tout ça est véritablement partie prenante de cette époque. On voit bien qu'il y a un très gros risque et que les socialistes, les autres, les démocrates, finalement, s'inquiètent de l'usage. Il le dit bien, d'ailleurs, Jaurès, l'usage qui peut être fait de ces lois. Avec le débat sur la correctionnalisation des délits, est-ce que l'on doit soumettre ces actes, ces crimes au jury, ou bien doit-on charger des magistrats professionnels, supposés en général, pas toujours, en général plus sévères, doit-on les soumettre comme délits au tribunal correctionnel? C'est un débat d'époque et un débat d'aujourd'hui. En l'occurrence, à l'époque, ce sont des tribunaux d'assises et le grand procès qui suit donc les lois que la gauche, il faut le rappeler, vont appeler les lois scélérates. Le grand procès qui suit, le 6 août 1894, est un procès d'assises dans lequel sont incriminés une trentaine d'accusés, parmi lesquels des théoriciens de l'anarchie comme Jean Graff, Sébastien Faure, Élisée Reclus, des hommes de main de l'anarchie et puis des criminels de droit commun, ce qui, on le voit bien, montre la complexité de la répression à l'époque. Et en même temps, le verdict de ce procès est très amène, très doux. On condamne quelques-unes de ces petites frappes. Pour les autres, on acquitte. Et d'ailleurs, un certain nombre d'intellectuels proches de l'anarchie ne se privent pas du plaisir de se moquer quelque peu du tribunal dans sa gravité et sa sévérité. Ne résistons pas, Jean Garrigue, au plaisir d'évoquer, par exemple, l'interrogation du critique d'art, du journaliste libertaire, qui était Félix Fénéon, qui d'ailleurs a reçu des témoignages de sympathie de Stéphane Mallarmé. Mallarmé qui avait, à un moment donné, parlé de l'éclat décoratif du dynamitage. Voici un dialogue. Je vais vous demander, sans que vous vous inscriviez parmi les intermittent du spectacle, je vais vous demander, Jean Garrigue, de jouer Félix Fénéon. Moi, je vais jouer le président du tribunal. Alors, Jean Garrigue, cela donne quelque chose comme ça. Êtes-vous un anarchiste, monsieur Fénéon ? Je suis un bourguignon, né à Turin. Vous étiez l'ami intime d'un autre anarchiste étranger, n'est-ce pas ? Kampfmeyer. Oh, intime, ces mots sont trop forts. Du reste, Kampfmeyer ne parlant qu'allemand, et moi le français, nos conversations ne pouvaient pas être bien dangereuses. On rit sur les bancs du public. On vous a vu causer avec des anarchistes derrière un réverbère. Pouvez-vous me dire, monsieur le président, où ça se trouve, derrière un réverbère ? Rire fort et prolongé, le président fait un rappel à l'ordre. On a trouvé dans votre bureau, au ministère de la guerre, 11 détonateurs et un flacon de mercure. D'où venait-il, monsieur Fénéon ? Mon père était mort depuis peu de temps. C'est dans un seau à charbon qu'au moment du déménagement, j'ai trouvé ces tubes que je ne savais pas être des détonateurs. Votre père n'aurait pas pu garder ces objets. Il était employé à la Banque de France et on ne voit pas ce qu'il pouvait en faire. Je ne pense pas en effet qu'il dût s'en servir. Pas plus que son fils, qui était employé au ministère de la guerre. À donner ces extraits, on comprend pourquoi le réquisitoire de l'avocat général Bulot, qui d'ailleurs est un de ceux dont l'appartement a sauté, l'avocat général Bulot s'est employé sans succès à prouver qu'il y avait une entente et une prétendue association de malfaiteurs entre théoriciens, militants ou simples voleurs. D'où acquittement général par les jurés. Dès ce moment-là, il y a un équilibre entre la justice et la police, indispensable en démocratie. Et à l'intérieur même de la justice, un débat qui est actuel sur le rôle qui doit être celui de la justice administrative, qui oppose des citoyens à l'État et puis de la justice ordinaire. Oui, on voit bien là aussi le parallèle avec la situation d'aujourd'hui. On voit bien aussi à quel point il est difficile de faire le lien entre ce qu'était la théorie, les idées, les articles de ces théoriciens de l'anarchie et puis le passage à l'acte et la manière dont des esprits révoltés, des déclassés, des gens qui ne se sentent plus bien dans une société vont justement entrer dans une spirale de la mort. Dans la grande ville de Paris, dans la grande ville de Paris, il y a des bourgeois bien nourris, il y a des bourgeois bien nourris. Il y a les miséreux qui ont le ventre creux, ceux-là ont les dents longues, vive le son, vive le son. Ceux-là ont les dents longues, vive le son de l'explosion. Dansons la ravachole, vive le son, vive le son. Dansons la ravachole, vive le son de l'explosion. Il y a les magistrats vendus, il y a les magistrats vendus. Il y a les financiers ventrus, il y a les financiers ventrus. Il y a les argousins, mais pour tous ces coquins, il y a de la dynamite, vive le son, vive le son. Il y a de la dynamite, vive le son, l'explosion. Dansons la ravachole, vive le son, vive le son. Dansons la ravachole, vive le son, l'explosion. Il y a les sénateurs gâteux, il y a les sénateurs gâteux. Il y a les députés véreux, il y a les députés véreux. Il y a les généraux, assassins et bourreaux. Boucher en uniforme, vive le son, vive le son. Boucher en uniforme, vive le son de l'explosion. Dansons la rabâchole, vive le son, vive le son. Dansons la rabâchole, vive le son de l'explosion. En nom de Dieu, faut en finir. En nom de Dieu, faut en finir. Assez longtemps, j'aimerai souffrir. Assez longtemps, j'aimerai souffrir. Pas de guerre à moitié, plus de lâche pitié. Mort à la bourgeoisie, vive le son, vive le son. Mort à la bourgeoisie, vive le son d'explosion. Dansons la rabâchole, vive le son, vive le son. Dansons la rabâchole, vive le son d'explosion. Les paroles étaient de Sébastien Faure, ce théoricien de l'anarchisme que nous avons déjà évoqué. Jean Garrigue, le chant est de 1893, ce sont toujours les quatre barbus qui interprètent la ravachole. Ici sont ramassés, est ramassé l'essentiel de la doctrine de l'anarchisme. Oui, mais qui au fond rejoint les griefs qui étaient ceux de l'ensemble du mouvement social à l'époque. D'ailleurs, Sébastien Faure lui-même, puisqu'on l'a évoqué, venait précisément du monde ouvrier, du mouvement ouvrier. C'est un socialiste au fond, et c'est un socialiste qui s'est orienté à un certain moment vers une conception plus radicale, différente, mais qui s'enracinait aussi d'ailleurs dans le socialisme utopique, enfin dit utopique du début du 19e siècle. Ces hommes sont les héritiers de Proudhon, mais aussi quelque part de Cabet, de Fourier, enfin tout ça a maturé finalement dans l'idéologie anarchiste. Et l'on comprend aussi d'ailleurs que le lien se fasse avec ceux qui ont choisi plutôt la voie du marxisme ou d'un socialisme réformiste. Ils ne sont pas si éloignés que cela. Et donc, on comprend que la solidarité se soit faite entendre au moment de ces procès, au moment des lois scélérates, et que des convergences aient eu lieu. Et on comprend aussi d'ailleurs qu'une grande partie de ces anarchistes, passé la vague de la propagande par le fait, se soit dit on va aller vers autre chose, vers d'autres formes de militantisme. Et c'est aussi pourquoi on a commencé de décroître les occasions d'utiliser ces lois qui ont finalement assez peu fonctionné. Il n'empêche que dès ce moment-là, les socialistes ont été très inquiets. Vous évoquez l'expression « les lois scélérates », c'est le titre un peu plus tardivement d'un livre qui est rédigé par un juriste, entre guillemets, en fait c'est Léon Blum, par Pouget, qui est un des théoriciens de l'anarchisme, et par Francis de Pressensé, qui va être le second président de la Ligue des droits de l'homme. Pressensé a choisi ce titre et l'a porté, et depuis, l'expression qui a fait fleurir, c'est resté les lois de 93-94, vues du côté des socialistes. Avec cet accent mis sur le danger qu'il y a à se tromper d'adversaire, ou à définir un délit tel que beaucoup pourraient s'y trouver confrontés sans que ce soit raisonnable. Tel député de gauche explique qu'avec le mot d'incitation, tout neuf, tout vague, on va s'en prendre à la conversation tout simplement qui se produit dans le tête-à-tête de la vie intime, avec ou devant le familier de la maison, dans des circonstances où tout naturellement on se laisse aller, dit-il, aux libres épanchements. C'est cette conversation dont vous faites un délit, que vous punissez des peines les plus sévères, de peines définitives, qui en réalité peuvent aller jusqu'à la mort. Et cela inquiète en soi, puis cela inquiète aussi les socialistes qui craignent, encore une fois, et Jean Jaurès le dit très bien, oui, qui craignent que ces lois scélérates faites contre les anarchistes soient portées en direction d'eux-mêmes. C'est ce qu'écrit Jaurès, il y a un article dans la Dépêche, justement, du 31 juillet 1894. On est vraiment là, au moment des événements, au moment du vote des lois scélérates. Il parle de l'usage, la dangerosité de l'usage de ces lois. À un autre moment, il dit « Faut-il suspendre toutes les libertés du pays ?» Attention, la fin ne justifie pas tous les moyens, et il y a une barrière, là, un socle de la démocratie qu'on ne peut pas toucher. Et effectivement, c'est ce qu'on retrouve dans cette brochure là sur les lois scélérates, et c'est intéressant, est une brochure que celle que vous venez d'évoquer, de Pressensé, Pouget et Blum, au moment de l'affaire Dreyfus, au moment là aussi sont mis en lumière les fondements de la justice républicaine. Dans cette brochure là Pressensé, Pouget et Blum parlent de la violation des principes de notre droit. Il faut véritablement rester dans le cadre du droit et de la justice. On trouve un autre débat qui est tout à fait actuel. Est-il opportun, est-il convenable, est-il admissible que l'on aille rechercher les causes sociales d'un certain nombre de comportements. Vous savez que tout récemment, le Premier ministre Manuel Valls a insisté sur le fait qu'il fallait juger en soi un mal et qu'on avait tort d'être se préoccuper des origines. Il reprenait d'ailleurs Victor Hugo, je pense qu'il le savait, qui disait « Ne me racontez pas un opprobre notoire comme on raconterait n'importe quelle histoire, car l'explication finit par ressembler à l'indulgence affreuse et cela fait trembler. » C'est un extrait d'un poème tardif des années 1870 qu'il adresse, le saviez-vous, Jean Garrigue, aux historiens, c'est-à-dire à nous, en nous disant qu'il ne faut pas toujours expliquer les choses. Soyez juges, soyez prêtres, mais surtout n'expliquez pas les traîtres. Oui, oui, d'ailleurs, c'était l'attitude de Victor Hugo par rapport aux communards, par rapport à la Commune de Paris, hein, dont il était à la fois le défenseur, celui qui plaidait l'amnistie, et qui en condamnait les violences. Eh bien, Jean Jaurès se pose un adversaire de cette idée. Il dit « L'anarchisme est un des innombrables symptômes d'un malaise social profond. Il est le produit spontané d'une société qui se décompose. » Et c'est le Jaurès qu'évoque Joseph Paul Boncour dans les souvenirs que je vais vous faire entendre. Joseph Paul Boncour qui, à près de 80 ans, dans une cérémonie autour de l'anniversaire de la naissance de Jean Jaurès, Joseph Paul Boncour, qui a été un militant socialiste, qui a été même président du Conseil sous la Troisième République et qui, dans ces années-là, était un bon observateur de ce qui se passait. Il a été membre du cabinet de Valdec-Rousseau, président du Conseil en 1899. Joseph Paul Boncour s'exprime de la sorte. « Génie oratoire, que j'ai tellement lu, tellement entendu, que dans cette atmosphère si familiale, si amicale, j'éprouve le besoin d'en dire de mémoire certains passages. Je me rappelle que non pas son premier discours à la Chambre, car vous savez qu'il avait d'abord siégé sur les bancs du centre-gauche, et puis que ses grandes ailes s'y trouvant mal à l'aise, il était venu au Parti Socialiste. Mais un de ses premiers discours comme socialiste, ce fut à propos des lois de 1894, des lois sur les anarchistes. Il avait déposé un amendement tendant à appliquer aux panamistes les mêmes châtiments qu'aux anarchistes. Et il terminait par une prosopopée que j'ai encore dans la tête et dans le cœur, et quand le même vaisseau, disait-il, emportera vers les terres fiévreuses de la relégation le panamiste corrupteur et l'anarchiste meurtrier, ils pourront tous les deux se regarder comme les deux faces complémentaires d'un même ordre social. C'est sublime. C'est sublime, on peut le juger ainsi. En tout cas, c'est très conforme à la vérité, puisque Jaurès avait proposé un amendement assez ironique aux lois scélérates, aux lois qui étaient adoptées, seront considérées comme ayant provoqué aux actes de propagande anarchiste tous les hommes publics, ministres, sénateurs, députés, qui auront trafiqué de leur mandat, toucher des pots de vin, participer aux affaires financières véreuses. Fin de citation. Au passage, c'est un argumentaire que l'on peut retrouver encore de nos jours assez fréquemment dans la bouche de certains leaders de la gauche ou de la gauche de la gauche qui nous disent voilà, attention à ce qu'il n'y ait pas une justice à deux vitesses, sévère contre les faibles et douce contre les puissants. L'affaire Cahuzac qui ressurgit au premier plan de l'actualité aujourd'hui nous en donne un exemple qui pourrait être criant. À l'époque, il faut bien voir aussi que on est dans ce traumatisme et ce choc de ce qu'a été le scandale de Panama 2 ans plus tôt. Les socialistes ont été en pointe dans la dénonciation du scandale. Pour la plupart, ont échappé à cet opprobre général qui touchait les députés et les sénateurs. Et donc, l'argumentaire de Jaurès est particulièrement prenant. Il a un sens à l'époque parce que là, il pointe du doigt justement les défaillances de ceux-là même qui s'érigent en censeurs. Les inquiétudes, il faut le dire, l'inquiétude des socialistes qui n'ont pas désapprouvé entièrement naturellement les lois de sécurité mais qui ont craint leur débordement à leurs propres dépens. Ces inquiétudes n'ont pas rencontré une réalité à partir des années 1898 et quand on a commencé à se préoccuper de l'affaire Dreyfus ou d'autres soucis. Il n'empêche que l'avertissement de Léon Blum, dans son livre signé anonymement reste fort. L'idée que ces lois pourraient servir à une dictature militaire ou à une réaction cléricale et que par conséquent, disait-il, il est très important toujours de se préoccuper, même quand on est mu soi-même par des motifs tout à fait légitimes et honorables, de l'éventuelle utilisation des textes qu'on fait adopter par des personnages moins équilibrés, moins sages, moins préoccupés des libertés publiques que ceux qui les font adopter aujourd'hui. Il ne pouvait pas imaginer ce que deviendrait la chute de la Troisième République et que 1940 allait faire naître un régime de non-droit. Mais effectivement, on voit bien là les précautions aussi et le souci de ces républicains de la Troisième République de mettre des barrières à, je dirais, ce qui avait pu, dans les régimes précédents, constituer des entorses justement aux grands principes de la démocratie. Il est frappant que ces lois n'aient été abrogées, figurez-vous, qu'en 1992. Donc elles étaient tombées en désuétude comme un certain nombre de lois. Et cela est d'ailleurs éclairant et doit renseigner la sagesse des législateurs à chaque époque qui ne doivent toucher aux libertés publiques que d'une main tremblante. Car une fois qu'on l'a fait, peuvent perdurer et les conséquences concrètes, n'est-ce pas Jean Garrig, d'une émotion légitime et provisoire. Cela renvoie au débat actuel et cela renvoie aussi à cet éternel conflit entre la gauche pragmatique et la gauche morale. Et l'on voit bien que, au-delà des postures, au-delà des apparences, les choses sont beaucoup plus complexes qu'il n'y paraît. C'est-à-dire que il y a cette tension dans la gauche française entre l'ordre, les nécessités de maintenir l'ordre républicain et puis aussi le souci de se maintenir dans l'équité, la justice sociale, les règles du droit qui respectent la liberté des individus. Donc il n'y a pas de gauche morale et de gauche réaliste. Il y a une gauche qui s'interroge en permanence sur ces aspects à la fois moraux et pragmatiques de la gouvernance. Sans oublier, comme le pensait Clémenceau, que le désordre nuit d'abord à nos compatriotes les plus faibles, qui se défendent le moins bien. Mais ceci nous conduirait probablement un peu loin. Je vous remercie, Jean Garrig, d'avoir éclairé de la sorte notre présent par l'évocation de ces années 1890, celle des attentats anarchistes. Vous avez récemment, nous évoquions Clémenceau, publié un livre précieux qui est une anthologie des formules, des écrits de Clémenceau, « Le monde selon Clémenceau », paru chez Talendier en 2014. Un autre livre, plus ancien, de votre plume, s'appelle « La République des hommes d'affaires, 1870-1900 ». Vous braquez l'attention sur un personnel politique qui n'avait pas été beaucoup étudié jusque-là, ce qu'on appelle les opportunistes. Les hommes qui se sont déterminés à partir de l'idée qu'une république, au fond, pouvait être bourgeoise, conservatrice. Et c'est précisément cette république-là que les anarchistes rejetaient. La République des hommes d'affaires, qui est parue chez Aubier en 1997, qu'on devrait bien rééditer en livre de poche, par exemple la collection Champ, vous n'êtes pas hostile ? Je l'espère. Sur les anarchistes encore, un livre précieux de Vivien Bouet qui s'appelle « Les anarchistes contre la République, contribution à l'histoire des réseaux sous la Troisième République ». C'est paru aux presses universitaires de Rennes. Il insiste sur le caractère réticulaire de ce monde anarchiste qui, là encore, peut conduire vers des réflexions actuelles. Il est le premier à avoir méticuleusement exploré les archives départementales pour s'apercevoir que les ramifications de cette anarchie étaient très nombreuses et qu'il y avait une sorte de réseau, une densité d'anarchistes très très forte à cette époque, qui n'étaient pas tous des partisans de la propagande par le fait, c'était même minoritaire, mais qui occupaient le terrain et qui faisaient partie intégrante du mouvement social. Enfin, je voudrais signaler, puisque à la fin de notre générique, la plupart de nos auditeurs le savent, c'est Marguerite Yourcenar qui s'exprime. Je voudrais signaler, ça n'a pas de rapport avec notre sujet d'aujourd'hui, mais directement avec l'émission, le livre d'Henriette Levillain qui s'appelle « Yourcenar, carte d'identité », un très précieux ouvrage paru chez Fayard tout récemment. Vous aurez la possibilité, vous le savez, de retrouver une bibliographie complète sur notre site rénové comme celui de France Culture, qui est en train de trouver sa forme et sa place. Sur notre site, avec les références des documents sonores que nous avons utilisés, vous pourrez bien sûr écouter, réécouter et télécharger cette émission. Samedi prochain, nous parlerons du canal de Suez, puisqu'il a été rénové. Il y a maintenant deux canaux de Suez parallèles. Canal de Suez, trouée magique, enjeu capital, avec Caroline Piquet. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Jeanne Guéroux, avec aussi Nathalie Lempereur, une émission réalisée par Patrick Molinier, avec Manuel Couturier à la prise de son, avec Nathalie Rouvillain à la discothèque qui nous est toujours si précieuse, et avec Nathalie Durand pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel, à qui nous ne sommes pas moins redevables. Et dans quelques instants, vous allez retrouver Christine Ockrent pour Affaires étrangères.